Bonjour. La lecture d'aujourd'hui est issue d'un dossier de présentation, on va dire, de ce qu'est le zapatisme et de ce que sont les villages zapatistes, les caracoles, qu'on peut trouver au Chiapas et autour, au Mexique. Ce texte, je l'ai trouvé sur le site Espoir Chiapas. C'est espoirchiapas.blogspot.fr. Que vous trouverez facilement et que je mettrai de toute façon dans les références. Il est donc issu de... C'est une traduction française hein, de l'enquête de Gloria Muñoz Ramírez. Après une année d'existence des conseils de bon gouvernement dans les cinq caracoles, qui sont le caracol de la Realidad, le caracol Authentic, le caracol La Garucha, le caracol Morelia et le caracol Roberto Barrio. Ce texte s'appelle « Le chemin du caracol vers l'autonomie ». Je rajoute une petite note. Le caracol, c'est spontanément, on se dit, la traduction du mot « escargot », mais ce n'est pas que ça, en fait. Le caracol, l'escargot, cette forme en spirale, c'est aussi le symbole, l'idiome, je ne sais pas comment on appelle ça, qui représente la parole. La parole donnée, la parole dite, la parole, le récit, tout ça. Voilà, d'où cette importance de cette spirale du caracol dans pas mal de visuels et de choses autour du zapatisme et du Chiapas et tout ça. Voilà, je commence donc la lecture. Le chemin du caracol vers l'autonomie. Ça commence par une citation du comité du bon gouvernement de Morelia. Notre travail est de construire l'autonomie, que le peuple puisse décider comment exercer ses droits. C'est une forme de lutte, une lutte juste, qui a raison. Travailler la santé et les autres secteurs d'activité, c'est une arme de notre lutte, qui ne tire pas de balles, mais des mots. Des mots qui lancent un appel à toute l'humanité. Quand vous voyagez au Chiapas, vous pouvez observer de nombreuses pancartes. Vous êtes en territoire zapatiste en rébellion. Ici, le peuple commande et le gouvernement obéit. Cela signifie que vous parcourez une zone habitée par des bases civiles de soutien de l'armée zapatiste de libération nationale, le ZLN. Depuis 1994, les communautés zapatistes se sont regroupées au sein de municipalités autonomes rebelles zapatistes, les MARES, qui sont gouvernées par un conseil autonome formé par les représentants des mêmes communautés. Les MARES se superposent géographiquement et politiquement aux municipalités constitutionnelles. Parallèlement aux municipalités officielles, ces conseils autonomes décident eux-mêmes de leur mode d'organisation sur des questions comme l'éducation, la santé et la justice. La résistance passe par le fait de n'accepter ni l'argent ni les projets qui proviennent du gouvernement mexicain. En 2001, une réforme constitutionnelle portant sur les droits et la culture indigène a été approuvée par le Congrès mexicain. Cette réforme prétendait appliquer les accords de San Andrés, les ASA, signés entre le ZLN et le gouvernement fédéral en 1996. Cependant, pour le ZLN et le Congrès national indigène, le CNI, elle ne fait que perpétuer le paternalisme de l'État face aux populations autochtones, sans reconnaître leur façon de s'autogouverner. C'est pour cela qu'ils ont opté pour la construction de l'autonomie par la voie des faits et qu'ils considèrent les ASA comme loi en vigueur dans leur territoire. Depuis août 2003, les zapatistes ont par ailleurs créé les comités de bon gouvernement comme un nouvel échelon dans leur pratique de l'autonomie. Les conseils de bon gouvernement sont formés par les autorités des conseils autonomes qui changent tous les 7, 15 ou 30 jours selon les régions. Il existe 5 comités de bon gouvernement qui siègent depuis les caracoles. Ceux-ci sont venus remplacer les aguas calientes qui étaient des lieux de rencontre entre la société civile et les zapatistes, qui existaient dans le passé. Les caracoles représentent symboliquement une porte ouverte qui donne un accès direct à la vie autonome zapatiste. Dans tous les caracoles, vous trouverez des maisons couvertes de fresques murales. Visage de Zapata, du sous-commandant Marcos, des martyrs de guerre ou des épis de maïs couverts de passe-montagne. À Oventic, vous pourrez faire des achats dans les coopératives d'artisanat des femmes. Et à Roberto Barrios, acquérir un hamac. À la Garrucha, la cafétéria San Miguel abrite un cyber-pozzol, l'équivalent d'un café internet. Le pozzol étant une boisson typique à base de maïs. À la Realidad, comme à Morelia, vous pourrez voir des vidéos dans les cafétérias. Dans tous les caracoles, vous trouverez aussi les campements civils pour la paix, construits par les observateurs des droits de l'homme et les sympathisants du mouvement zapatiste. Dans chacun des caracoles, les conseils de bon gouvernement nous ont parlé de la construction de leur autonomie, des avancées, des limitations rencontrées et des défis. Commander en obéissant. Les caracoles zapatistes rendent visible une construction de l'autonomie que les bases de soutien ont commencé à mettre en place bien avant 1994. Elles représentent une pratique des peuples autochtones au cours des siècles afin de résister à la colonisation et à leur marginalisation systématique. L'autonomie est un chemin que nous avons parcouru depuis plusieurs années et qui se maintient au travers de nos propres coutumes, nos propres façons de prendre des décisions, notre langue. Cela fait longtemps que ce chemin existe parce que les formes indigènes ne correspondent pas à celles du gouvernement officiel. Et nous avons opté pour la forme du « commander en obéissant » avec nos propres autorités pour qu'elles nous aident et que nous nous aidions nous-mêmes. L'autonomie est le travail de tous. Conseil de bon gouvernement de la Garrucha. L'autonomie zapatiste commence par le droit d'élire ses propres autorités en respectant le principe de commander en obéissant. L'idée des peuples autochtones est de se gouverner eux-mêmes en partant du principe que le pouvoir est dans le peuple. Ce que nous proposons comme autorité va être discuté par la population durant le temps nécessaire. Mais comme autorité, nous ne sommes que représentants. Au-dessus de nous, il y a un pouvoir qui est le pouvoir du peuple. Le peuple peut avoir certains problèmes qu'il n'aborde pas, et s'il ne discute pas, c'est son problème. Mais si, comme autorité, nous faisons quelque chose que le peuple ne sait pas, alors nous recevons des critiques et nous devons les accepter. Conseil de bon gouvernement de la Realidad. L'autonomie ne s'établit pas seulement au niveau politique, mais aussi au niveau culturel et économique. L'autonomie se construit par la pratique. Par exemple, dans la milpa, le champ de maïs, nous n'allons pas utiliser le gramoxone, qui est un pesticide chimique. Nous savons que les produits chimiques sont un poison pour nous. Une partie de ce que nous faisons, c'est utiliser un insecticide naturel qui s'applique dans la milpa. C'est le peuple qui l'utilise parce que nos ancêtres n'utilisaient jamais de produits chimiques. L'autonomie se construit de différentes formes. Pour nous, il s'agit de cesser de dépendre du gouvernement à tous les niveaux et dans ces produits qui nous affectent comme peuple indigène, comme les produits transgéniques. Conseil de bon gouvernement de Roberto Barrios. Les communautés construisent leur propre programme d'éducation, de santé, de commercialisation. Elles cherchent à obtenir une plus grande autosuffisance alimentaire à un moment où l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord, l'ALENA, a réduit drastiquement les possibilités de marché juste pour les produits agricoles comme le café, le maïs ou les haricots. La construction de l'autonomie avance petit à petit. Parce que, comme les zapatistes nous le disaient, ce qui a le plus d'importance, c'est la pratique. Parler est très facile, mais faire quelque chose est plus difficile. La théorie a une valeur, mais ce n'est pas le plus important. Conseil de bon gouvernement de Morelia. Éducation. En ce qui concerne l'éducation, dans presque toutes les municipalités zapatistes, il existe des écoles avec des promoteurs indigènes originaires des mêmes communautés. Ceux-ci ont été formés à travers des ateliers soutenus par la société civile nationale et internationale, soit directement, soit par des aides économiques. Dans la région d'Oventic, les zapatistes ont commencé à développer l'éducation autonome avec la secondaire, avant de continuer avec la primaire. Des jeunes provenant des différentes municipalités viennent au Caracol pour suivre les cours de l'éducation secondaire. Dans d'autres régions, comme à Morelia, chaque municipalité a son école primaire et secondaire et ils rêvent d'ouvrir leurs propres universités. Nous ne voulons ni égaler ni nous comparer avec l'éducation du gouvernement, qui ne sert pour les peuples indigènes ni pour les zapatistes. C'est pour ça que la nôtre à un autre point de départ que celle du gouvernement. La leur est individualiste et égoïste. Elle prépare l'élève à servir l'entrepreneur pour qu'il continue avec son négoce. Elle n'enseigne pas la relation avec la nature. L'éducation autonome aide le peuple et l'organisation pour que les jeunes n'apprennent pas à se servir, à servir le patron, mais à mettre leurs connaissances au service du peuple. Conseil de bon gouvernement de Morelia. À Roberto Barrios, les élèves commencent avec le projet éducatif Semillitas del Sol, petites graines de soleil, et ils passent ensuite par le Centre culturel technique autonome Zapatiste, le CCTAZ. Les acronymes, c'est assez difficile. Où ils décideront quel métier ils veulent faire. Ils préfèrent ne pas utiliser le système de classe dans l'enseignement, à la différence du gouvernement, pour n'exclure personne et permettre à chacun d'avancer en fonction de ses possibilités. Le contenu éducatif s'adapte en fonction des besoins. La forme de l'éducation pédagogique et politique est différente. Nous ne travaillons pas les mêmes matières que l'éducation officielle. Nous avons différents secteurs. Quand nous parlons de langue, nous regroupons toutes les nôtres et l'espagnol. Nous travaillons aussi les histoires afin que la lutte zapatiste et toutes les luttes contre ceux qui nous oppriment apparaissent. Nous travaillons aussi la vie et l'environnement, qui englobe, la vie et les ressources naturelles. Conseil de bon gouvernement de la Garrucha. Dans l'éducation et la santé autonome, l'humanité et la dignité sont au-dessus de l'argent. On y récupère le sens de bien commun, et ce sont deux valeurs indispensables dans leur façon de concevoir une bonne vie pour tous. Dans notre organisation, il n'existe pas l'idée de travailler pour un salaire. Le travail naît de la conscience. Conseil de bon gouvernement de Morelia. Les promoteurs sont élus par la communauté. Ils ne reçoivent pas de salaire. À cause de cela, des grands défis de l'éducation autonome, un des grands défis de l'éducation autonome est d'éviter la désertion des promoteurs lorsque les communautés ne les aident pas suffisamment. Santé. La santé représente une des plus grandes avancées des municipalités autonomes. Il existe des cliniques régionales à la Garrucha, à Oventic et dans la région de la Realidad, ainsi qu'un hôpital dans la communauté de San José de Del Rio, où plus de 10 opérations ont été pratiquées dans les locaux mêmes grâce au soutien solidaire de médecins provenant de Comitán. Je rajoute une petite note ici. Gardez bien en mémoire pendant les lectures que ce texte date d'il y a longtemps et que les choses ont évolué depuis. Je continue sur la santé. On essaye de faire en sorte que chaque municipalité dispose d'une petite pharmacie et de promoteurs de santé capables de recevoir les malades. La formation des promoteurs de santé se fait de la même façon que pour les promoteurs de l'éducation. On essaye de former les promoteurs à différentes spécialités: gynécologie, odontologie, analyse, pédiatrie, herboristerie. Ceux qui connaissent les plantes médicinales, ce sont les anciens, Les jeunes ne savent pas à quoi elles servent. Alors il faut sauver cette sagesse avant que nos anciens soient 2 mètres sous terre. On a organisé les anciens et ce sont les enseignants. Certains se forment dans tout ce qui est chimique et les autres dans la médecine naturelle. Conseil de bon gouvernement de la Realidad. Je rajoute aussi une petite note à cet endroit-là pour dire que, par exemple, les transcriptions de paroles, il se trouve que depuis, la féminisation et même la neutralisation de la langue a énormément progressé, enfin s'est implantée en fait. Du coup, ne vous posez pas trop de questions là-dessus, pareil, ce texte-là est daté et je pense qu'il aurait été neutralisé à défaut d'être féminisé s'il avait été écrit maintenant. Je reprends encore la lecture concernant la santé. Quand il y a suffisamment de médicaments dans les pharmacies grâce aux donations de la société civile, les bases de soutien zapatistes ne les payent pas. Mais quand elles viennent à manquer, elles doivent payer les médicaments au prix d'achat. La consultation est également gratuite pour les zapatistes. En revanche, les non-zapatistes doivent payer la consultation et les médicaments à leur prix d'achat. Beaucoup de personnes d'autres organisations préfèrent se rendre dans des centres médicaux zapatistes parce que le promoteur parle leur langue et traite les maladies avec respect. Les malades, pardon, avec respect. Je pense que les deux sont vrais de toute façon. La santé est de toute l'humanité. Il y a un problème important et évident dans la médecine et dans l'attention aux malades. Les femmes, principalement, ont peur des hôpitaux. Nous sommes des marginaux dans les hôpitaux officiels. Il n'y a pas un espace de dignité pour nous dans ces hôpitaux. Conseil de bon gouvernement de Morelia. Dans tous ces programmes de santé, l'attention se centre sur la prévention des maladies, l'hygiène et la nutrition. C'est pour cela, par exemple, que le Caracol de la Garrucha a mis en marche un plan intégral qui passe par la construction de latrines, peut-être de latrines, non, l'hygiène personnelle, la culture des jardins et les vaccins. À Morelia, la santé personnelle et collective fait partie de matières enseignées dans l'école autonome. Un point maintenant sur autonomie économique. Au cours des dernières années, les municipalités autonomes ont créé de petites épiceries et des coopératives pour pouvoir soutenir leurs projets non monétaires, santé et éducation, et pour obtenir une plus grande indépendance économique. Pour parler de commerce, nous avons un travail, par exemple, des coopératives de café. Elles exportent au niveau international, Motwitz, Yatil Sochobal. On ne se moque pas de moi sur la prononciation, s'il vous plaît. Nous avons aussi les coopératives des femmes artisanes, les femmes pour la dignité, Siluchon, pardon, et Natsi, ah, je suis désolée, pardon, décidément, Natsim Rosa, je pense que ça se dit comme ça. En fait, les mots que je lis, sur lesquels je bute, sont des mots d'origine tsetsal, sotsil, ou, enfin voilà, de toutes les langues des indigènes. Et les prononciations sont avec des voyelles et des consonnes, surtout des consonnes très toniques, très proches les unes des autres, qui sont très compliquées à prononcer au départ pour les personnes qui ont une diction habituelle plutôt latine et donc plutôt coulante. Voilà, c'était une énième petite note au milieu de ce texte pour essayer de me disculper, mais je suis vraiment désolée pour ces problèmes de prononciation. Je reprends le point sur l'autonomie économique. Nous avons aussi un atelier de fabrication de chaussures. Ils font des bottes et des chaussures de tout type en fonction de ce que les gens utilisent. Les travaux collectifs ont lieu dans les communautés. Les femmes, par exemple, travaillent dans la boulangerie, dans l'élevage d'animaux et dans les jardins. Ce sont des exemples de travaux qui se réalisent entre hommes et femmes pour que nous puissions survivre comme base de soutien et pour pouvoir ainsi maintenir la résistance. Nous ne faisons pas cas des miettes que le gouvernement nous donne. Nous avons nos propres travails. Conseil de bon gouvernement d'Ovandik. Il existe de nombreux travaux collectifs comme l'élevage, la culture de café ou de la milpa. Mais le plus difficile est de trouver ensuite comment vendre à prix juste. Cette année, j'aurais ajouté aussi le tissage. Cette année, les apatistes ont réussi à augmenter le prix du café dans la région de la Realidad parce que le caracol l'a acheté et transporté directement à Tapachula, en payant plus que les coyotes, les revendeurs intermédiaires. Nous avons pensé que puisque nous avions le Chumpiras, le camion de la région, nous pouvions améliorer la situation de la vente du café. Nous détestons ces salauds de coyotes. Ils payent le kilo de café à 12,50 $, moins d'un euro. À Tapachula, ils payent jusqu'à 17 $ le kilo. C'est dollars ou pesos? Du coup, je fais encore une petite note intermédiaire. Du coup, le fait que le texte soit daté fait que je n'arrive pas à voir... Bref, ne tenez pas trop compte des prix que je dis. Je pense que ça a évolué aussi. Voilà. Je reprends encore une fois. Nous avons commencé à faire le calcul avec notre camion. Nous nous sommes rendus compte que nous pouvions payer les compañeros jusqu'à 14,50 le kilo, y compris à ceux qui ne sont pas apatistes. Quand nous avons annoncé ça, les gens ont commencé à venir et les coyotes n'ont plus pu acheter. Ils ont alors décidé de payer plus que nous, 15 le kilo. Ce qui était important, c'est que s'ils payaient davantage, cependant, les compañeros savaient que ce que le bon gouvernement gagnait allait servir pour le bénéfice de tous. Ils ont décidé d'arrêter de vendre le café aux coyotes. Le plus difficile, c'est l'autosuffisance économique, conseil de bon gouvernement de la Realidad. Le principal défi est de réduire la dépendance aux produits venant de l'extérieur. Avoir sa propre production et parvenir à l'autoconsommation sont des préoccupations constantes dans toutes les régions autonomes. À Roberto Barrios, les apatistes ont lancé un projet d'agroécologie pour diversifier les cultures et pouvoir commercialiser leurs produits. Ils espèrent pouvoir échanger ces produits avec d'autres régions. Il est difficile d'arrêter de consommer les produits des entreprises transnationales. Nous n'avons pas encore pu l'éviter parce qu'il manque un processus de prise de conscience de nos peuples. Cela nous fait envie à tous. Nous avons soif et nous prenons un Coca-Cola. Nous mangeons des sabritas, des chips et autres aliments peu nutritifs. La nourriture poubelle, dit-on en espagnol, en castillan. Plus tard, nous espérons pouvoir nous organiser pour arrêter de consommer ce type de produit. Mais le faire est quelque chose de difficile. Petit à petit, nous voyons ce qui aide le peuple et ce qui ne l'aide pas. Mais nous avançons pas à pas, et ces mêmes pas qui nous définiront le chemin. Et ce sont ces mêmes pas qui nous définiront le chemin à prendre. Il y a un petit souci de traduction ou de je sais pas quoi. Je reprends. Donc, mais nous avançons pas à pas, et ce sont ces mêmes pas qui définiront le chemin à prendre. Il ne s'agit pas d'interdire, mais de permettre à tous de prendre conscience. Il s'agit d'une question de formation et d'information. Les masses médias et l'information pèsent énormément. Ce qui est important, c'est de poser des questions qui font réfléchir, et ensuite que cela se traduise dans les faits. C'est ça le plus dur, de le faire réalité. Ça ne servirait à rien que le Conseil de bon gouvernement interdit ce genre de choses. Conseil de bon gouvernement de Morelia. Au sujet de la justice. Au cours de cette première année de fonctionnement, les principaux conflits ont été d'ordre agraire. Les conseils de bon gouvernement cherchent à servir de médiateurs entre les acteurs pour transformer les conflits. Nous pensons et nous croyons qu'il y a une autre façon d'appliquer la justice. Il n'y a pas d'argent en jeu. La première chose, c'est l'enquête, voir ce qui s'est passé. Nous travaillons beaucoup la conciliation, la médiation, rester neutre. Ensuite, nous réunissons les acteurs du conflit. Nous nous appuyons beaucoup sur leurs us et coutumes. Ce sont nos lois. Nous savons aussi qu'il y a de mauvaises coutumes. Les anciens sont très importants dans le processus de prise de conscience. Si quelqu'un a volé, il faut savoir pourquoi il a volé. Parce que nous avons tous des besoins. Nous travaillons avec les deux parties. Nous appliquons les jugements. Si la personne reconnaît son délit, elle réalise un travail collectif. Conseil de bon gouvernement de Morelia. J'ai pas dit en fait ce qui était écrit comme punition parce qu'en fait le mot punition est pas exactement le mot que enfin pour nous la punition et là la manière de l'expliquer c'est pas exactement la même chose justement donc c'est un peu compliqué. Je reprends sur la justice. Dans la région frontière, la Realidad, il existe de nombreux problèmes du fait de la présence d'immigrés sans papier. Au moment de notre visite, les zapatistes avaient arrêté un poliero, un trafiquant d'immigrés, vu que, dans les territoires zapatistes, le trafic de personnes, de drogue, d'alcool et d'armes est interdit. Il a été puni par le Conseil de bon gouvernement et devra travailler pendant 6 mois à la construction d'un pont qui bénéficiera aux communautés afin de réfléchir sur ses actes. Les personnes non zapatistes se rendent aussi dans les conseils de bon gouvernement pour résoudre leurs conflits face aux problèmes de corruption et d'impunité de la justice officielle. Un junta de buen gobierno, un conseil de bon gouvernement, nous a raconté qu'une personne d'une organisation non zapatiste avait reçu l'argent de son billet de bus par la mairie constitutionnelle en montrant le document que lui avait fait parvenir le conseil de bon gouvernement pour qu'il vienne y déclarer. Sais pas si c'est très compréhensible cette phrase non plus. Par le biais de leur autonomie, les peuples zapatistes ne sont pas seulement en train de construire leur culture en récupérant leur langue, leur façon de cultiver et leur propre sagesse. Ils essayent aussi de créer une démocratie participative réelle. Paradoxalement, quelque chose d'aussi logique et raisonnable s'est transformé en une lutte de résistance face à un monde qui va à la dérive, dans lequel clamer en faveur de l'humanité passe par une opposition au modèle de développement imposé par le système capitaliste. L'autonomie zapatiste contribue à créer une fissure dans l'échafaudage de cette organisation mondiale où le capital est au-dessus des valeurs humaines et où le marché est plus fort que l'éthique. Les zapatistes nous montrent un chemin, leur chemin. Ils font ce qu'ils font, avancent et toujours se posent des questions. Quant à nous autres, assis face à eux, nous ne pouvons que nous demander ce que nous faisons pour transformer ce monde où l'inégalité et la violence semblent nécessaires pour alimenter la richesse de quelques-uns. Je reprends la dernière phrase parce qu'elle a été interrompue par un bip, il me semble. Quant à nous autres assis face à eux, nous ne pouvons que nous demander ce que nous faisons pour transformer ce monde où l'inégalité et la violence semblent nécessaires pour alimenter la richesse de quelques-uns. Traduction française donc de l'enquête de Gloria Muñoz Ramírez après une année d'existence des conseils de bon gouvernement dans les 5 caracoles, le caracol 1 de la Realidad, le caracol 2 de Auventic, le caracol 3 de la Garrucha, le caracol 4 de Morelia et le caracol 5 de Roberto Pario. C'était les caracoles dans l'organisation zapatiste. Le chemin du caracol vers l'autonomie. Une lecture donc d'un texte trouvé sur le blog de Espoir Chiapas que vous trouverez facilement en tapant Espoir Chiapas sur un moteur de recherche. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et à très vite.